Ah, les carottes sont cuites, cuites, cuites. J'suis dans la suite, suite, suite. Ils voudraient que je le suis, suis, suis. La police est venue pour me cuit, cuit, cuit. Contrôle aggravé, ah, ils m'ont blessé. Obligé d'encaisser. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Coup de pied, coup de poing dans la queue. Monsieur l'agent, qu'est-ce qu'il y a? Tu me traites comme une bestiole. Dans mes poches, moi je sais ce qu'il y a. Rien à voir, mais je sais ce qui est. Je sais ce qu'il en est. Et je sais ce qui arrive. Me noter dans le dos. Si tout se passe bien, esquive les mandats de dépôt. Si tout se passe bien, manque de peau, manque de peau. Mandat de dépôt, manque de peau, manque de peau. Mandat de dépôt. Ils disent qu'ils sont la loi, ouais, c'est ça. Ils disent qu'ils sont la loi, ouais, c'est ça. Ils disent qu'ils sont la loi, ouais, c'est ça. Ils sont la loi, ouais c'est ça. Ils sont la loi, ils sont la loi, ils sont la loi. Ils sont la loi, ils sont la loi, ils sont la loi. Ils sont la loi, ils sont la loi, ils sont la loi, maman. Ils sont la loi, ils sont la loi, ils sont la loi, papa. Je vous raconte la suite, suite, suite. Les carottes sont cuites, cuites, cuites. J'suis dans ma cellule, mon fond tout scellé. J'me sens si seul ici. Tu m'as l'air uriné. Apparemment ma vie est ruinée. Moi qui pensais qu'ils allaient me libérer au bout d'une heure. Ah ah ah, Freddy. C'est fini pour moi, ils m'ont mis dans le camion. Ah ah ah, Freddy oh. Apparemment moi j'ai du sang sur les mains. Ah ah ah, Freddy. C'est fini pour moi, ils m'ont mis dans le camion. Ah ah ah, Freddy. Me noter dans le dos. Si tout se passe bien, esquive les mandats de dépôt. Manque de peau, manque de peau. Mandat de dépôt. Manque de peau, manque de peau. Mandat de dépôt. Ils disent qu'ils sont la loi, ouais c'est ça. Ils disent qu'ils sont la loi, ouais c'est ça. Ils disent qu'ils sont la loi, ouais c'est ça. Ils disent qu'ils sont la loi, ouais c'est ça. Ils sont la loi, ils sont la loi, ils sont la loi. Ils sont la loi, ils sont la loi, ils sont la loi.